Principe 1 du code de déontologie. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Elle avait l'habitude des cas dans le milieu carcéral. Ce bout de femme au physique semblable à une petite chose fragile était en réalité aux antipodes de cette image qu'elle renvoyait. Solide comme une porte blindée, cinglante comme un coup de fouet, mordante comme un pitbull et têtue comme un âne. Son empathie était bien préservée derrière cette armure. Sans expliquer pourquoi, du moins sans avoir eu à le justifier devant les mines couettes de ses proches, elle avait toujours été attirée par le milieu carcéral. Ces hommes sortis du droit chemin, confinés derrière des portes ou des barreaux tels des animaux. Elle avait fait face au plus terrible de ces cas. Son physique avantageux éveillait leurs bas instincts et elle ne se privait pas d'en jouer. Derrière son allure stricte et inébranlable, il lui arrivait d'user de méthodes moins officielles. Elle jouait sur la frustration sexuelle des prisonniers pour les contraindre à la catharsis. Il finissait par pleurer sur ses genoux et elle les consolait d'une voix maternante. Le nombre d'hommes violents qui avaient eu comme exemple paternel une personne brutale comme un ours était tel qu'elle aurait pu remplir un TGV complet en une décennie de carrière. Parfois, les patients arrivaient à obtenir la vue du sillon de sa belle poitrine ou un bout de cuisse. Naturellement, quand il faisait la moindre allusion à tout ça, elle feignait la surprise et l'innocence en affirmant que c'était leur regard qui s'était perdu sur son corps. La parole d'une psychologue pesait bien plus que celle d'un rebut de la société. Au fil de ses opportunités, elle avait fini par arriver à Londres. Elle avait été mutée vers un poste qui allait mettre ses nerfs à rude épreuve. Elle avait été dirigée vers une prison de haute sécurité, ce qui signifiait qu'elle aurait affaire à des cas bien plus graves que ceux des petites prisons où elle avait exercé. La prison où elle allait offrir ses services était réputée pour abriter un peu moins d'un millier de détenus. Parmi eux, des tueurs en série, des terroristes, des anciens hommes politiques et un journaliste qui avait eu le malheur de trop se mêler des affaires des plus grands de ce monde. C'était de lui que notre psychologue aux méthodes peu orthodoxes allait s'occuper. Elle avait passé des jours à étudier son dossier médical. Il était à lui seul un véritable cas de torture. Isolement 23 heures sur 24, 2 visites par mois, interdiction de parler aux autres détenus. Et psychologiquement parlant, c'était une hécatombe. 15 points sur 20 au questionnaire sur la santé des patients. Un instrument polyvalent pour le dépistage, le diagnostic, la surveillance et la mesure de la gravité de la dépression. Autrement dit, il était en proie à une dépression majeure. Physiquement parlant, il était en sous-poids et boiteux. Il avait perdu 15 kilos depuis son arrestation musclée, au cours de laquelle il était soi-disant protégé. Elle notait également un vieillissement prématuré, une semi-paralysie de l'épaule droite et une prémolaire attaquée. Bref, l'heure était très grave. Le dossier avalé et digéré, elle avait immédiatement contacté la prison pour bloquer un rendez-vous. Insistante auprès des autorités pénitentiaires pour voir son patient en urgence, elle avait réussi à obtenir un entretien en fin de semaine. Elle avait senti beaucoup de mauvaise volonté dans les voix des personnes à qui elle avait parlé. Vous savez, le genre de ton qui ferait dire « on ne veut pas se fatiguer pour ce type-là » ou encore « il a que ce qu'il mérite ». Il avait qu'à réfléchir avant de crier sur tous les toits les crimes des États-Unis. Mais plus têtu qu'elle, c'était rare. Vendredi, 14h15, prison de haute sécurité du sud de Londres. Elle avait garé sa voiture dans le parking réservé aux visites médicales. Son entretien était programmé pour 14h30. Elle ouvrit la portière et sortit du véhicule, habillée d'une jupe crayon noire qui s'arrêtait au-dessus de ses genoux, d'un top près du corps bleu clair, d'une paire d'escarpins noirs, des collants de la même couleur, et aucun bijou. Ses cheveux à cajou étaient retenus en une queue de cheval stricte. Son attaché-case dans sa main, elle se fit connaître à l'entrée réservée au corps médical. Elle fut obligée de remettre son attaché-case qui contenait passeport, portefeuille, carte de crédit, carte médicale, téléphone et clé de voiture. Elle avait tout de même pu garder de quoi écrire. Il y avait de grands écrans de télévision dans le centre d'accueil où elle patientait. La télé était allumée avec le son à fond, des jeux, des publicités pour des voitures, des pizzas et des services funéraires. Même des discussions, TED Talk, jouées à plein volume. L'ambiance était plus anxiogène que dans les autres prisons. Un gardien arriva et la fit venir dans un premier bureau. On lui prit ses empreintes et on lui demanda de patienter à nouveau. Deuxième étape, elle dut passer la cour centrale sous une fine pluie typiquement anglaise pour aller vers la pièce principale. Pas facile de courir avec des talons. « J'aurais dû mettre des chaussures plates », dit-elle en s'abritant ridiculement sous son blazer. Scanner corporel, puis une fouille complète suivirent. Plante des pieds, bouche ouverte, jamais elle ne s'était fait autant toucher en si peu de temps. Elle était presque persuadée que la gardienne qui la fouillait était une vieille lesbienne frustrée de la vie, qui profitait de la fouille pour espérer un contact physique. Enfin, elle fut emmenée vers le quartier hautement surveillé. Elle était passée près des cellules classiques d'où sortaient des commentaires graveleux qui avaient glissé sur elle comme pluie sur chaussures imperméables. Elle souriait à l'idée de savoir ces hommes-là souiller leurs draps en pensant à elle. « Cellule numéro 23, voici votre patient. Vous en avez pour combien de temps ?» demanda le gardien. « Le temps qu'il me faudra, » dit-elle avec sérieux. « Je vous appellerai dès que j'aurai fini. » Il ouvrit la grosse porte blindée et froide dans un lourd cliquetis. La pièce était petite, à peine 3 mètres sur 2. Les murs étaient d'une couleur jaunâtre à donner la nausée. La fenêtre était si petite que la lumière du jour peinait à apporter ne serait-ce qu'un soupçon de vie dans la cellule. Sous cette dernière se dressait une pauvre cuvette, et contre le mur gauche était fixé un simple lavabo. Le lit en face était simple, fait d'un matelas, de base et une banale couverture polaire grise. La porte claqua lourdement. Le choc résonna dans la petite pièce, puis ce fut le silence, lourd et angoissant. Comme si la gaieté, l'espoir et le triomphe n'avaient plus leur place. Jusque dans les couleurs des pièces et du mobilier, tout était étudié pour laisser place à la solitude, la détresse et la fatalité. Son patient était devant elle, entre le lavabo et les toilettes. Son visage aussi blanc que ses cheveux était creusé par la fatigue et la douleur psychologique et physique. Il était habillé d'un simple pantalon de jogging noir et un pull bleu foncé délavé. Ses cheveux blancs comme neige étaient en bataille, de même que sa barbe de quelques jours. Seuls ses yeux bleus avaient gardé une vivacité et une humanité que les autorités de plusieurs pays tentaient de briser. Bonjour. Je suis Madame Appone, votre psychologue, dit-elle en lui tendant la main. Enchantée, répondit-il faiblement. Ses doigts si longs avaient perdu de leur force. Même s'il restait combatif et déterminé, son corps puisait dans ses réserves. Elle s'assit sur son lit et l'invita à se mettre à côté d'elle. Il la dépassait de 3 têtes, mais elle n'était pas impressionnée. Elle avait déjà été confrontée à des malabars taillés comme des buffles à cause des heures passées en salle de musculation, et c'étaient ces mêmes hommes qui finissaient par pleurer, en lui disant combien ils détestaient leur mère de les avoir abandonnés. Alors, sachez que tout ce qui va être dit et fait dans votre cellule n'en sortira pas. J'ai demandé expressément de ne pas être dérangée quand je suis avec vous. Personne ne saura ce que vous dites ni ce qu'on fait. J'ai fait jouer le secret médical auquel je suis soumise. Vous voyez ? Oui. N'oubliez pas que je suis là pour vous aider. Et puis, entre nous, j'admire votre travail, depuis le début. Il eut un maigre sourire. Elle le lui rendit. Voilà un sourire qui fait plaisir. Bien, commençons. On va faire ça de manière assez cliché. Allongez-vous, je vais me mettre sur votre cuvette. Pendant plusieurs dizaines de minutes, la jeune psy prit en note les dires du prisonnier. Il passait le plus clair de son temps isolé à faire non pas les 100, mais les 100 000 pas dans sa petite cellule. Il s'imaginait marcher dans les villes du monde qu'il avait déjà visitées. De Paris à Berlin, de Vienne à Rome, de Moscou à Hanoï. Son cerveau parvenait à lui faire retrouver les sensations d'antan, comme le bruit des pas sur les pavés, le son des klaxons, le souffle du vent. Vous ne visitez que des endroits où vous êtes déjà allé ? Pas forcément. Depuis fin 2010, je ne voyage qu'à travers les livres et les documentaires que je vois à la télé. Ceux sur la nature et les fermes, comme celles où j'ai grandi, me font avoir un petit pincement au cœur, donc je me projette dans ces endroits pour passer le temps. Vous voulez bien me montrer comment vous procédez ? Je vais vous accompagner dans votre voyage. D'accord, dit-il, en se levant péniblement. Elle l'aida un peu en le soutenant par le bras. Où m'emmenez-vous ? Demanda-t-elle en se prêtant à son mécanisme de défense. Que diriez-vous d'une balade à Paris ? J'ai deviné votre accent français. Avec grand plaisir. Elle se mit à le suivre dans ses rondes. Dans un premier temps, elle se taisait, le laissant se projeter dans la capitale française. Quelques minutes plus tard, elle s'amusait à lui proposer des endroits et lui laissait libre choix des lieux. Dans leur esprit, ils avaient fait le Louvre, longé les bords de Seine et tapé la causette avec des bouquinistes où elle avait acheté un exemplaire des Petits oiseaux d'Anaïs Nin. Tout en lui faisant un résumé des écrits fripons de l'auteur, ils arrivèrent place de la Concorde. Ils prirent le métro pour aller quartier Montmartre. D'ailleurs, le prisonnier lui confia qu'il y avait vécu au milieu des années 2000. Ils gravirent les célèbres escaliers éclairés par des lampadaires typiques. Ils n'étaient pas loin du Paris Canaille avec ses sex-shops, ses cinémas pour adultes, ses cabarets coquins et ses hôtels assez particuliers. Elle le fit venir dans une ruelle peu éclairée et peu fréquentée. Dans la réalité, elle lui prit le poignet et recula pour se retrouver dos au mur. Surpris, il lui demanda « Vous faites quoi ?»« Moi ? Je vous apporte une note de tendresse. Pourquoi ? Vous êtes vraiment psy ou ?» Elle eut un petit rire amusé. Elle avait l'habitude de ce genre de réaction. Oui, je suis réellement psychologue carcérale. Mais dans certains cas, j'use de méthodes moins officielles. Et votre code de déontologie ? Sincèrement, dites-moi franchement, les yeux dans les yeux, après plus de 7 ans sans contact érotique, vous allez me repousser ? refuser une personne prête à vous apporter un peu de bonheur et de douceur dans votre quotidien confiné ? Elle lisait clairement l'hésitation dans son regard. Il semblait lutter contre son cerveau reptilien qui lui hurlait de lui arracher le pack collant culotte et de lui bouffer le con et le cul. La peur d'être surpris avec cette psy peu commune était un frein. Le milieu carcéral était sans pitié, surtout avec lui. Mais d'un autre côté, elle avait ordonné de ne pas être dérangée. Les psychologues étaient bien mieux considérés. La jeune Française ouvrit le bal avec un petit baiser sur sa joue couverte de poils drus. Suivirent d'autres, tout aussi doux, comme pour le mettre en confiance. Elle remonta ses baisers jusqu'à son oreille et lui souffla « N'ayez pas peur ». Il posa ses deux mains dans sa chute de rein, presque sur ses fesses, et lui plaqua un baiser dans le cou, juste sous l'oreille. Elle eut un petit « Ah !» de surprise et de bien-être. Il embrassait cette peau douce et chaude, puis plaquant ses narines dans la zone dévorée par ses baisers, il prit une grande inspiration. Son odeur le fit grogner comme une bête. Sa bouche remplaça son nez et couvrit sa peau de baisers fiévreux avant de la mordre. Il raclait de ses dents avec ferveur, laissant des marques rouges qui remontaient vers sa gorge. « Voilà qui est mieux. Vas-y, mange-moi. » Elle se sentit ensuite plaquée contre le mur froid et ses lèvres attaquées par un baiser qui trahissait le manque charnel du prisonnier d'origine australienne. Les mains de ce dernier la tenaient fermement par les fesses. Celles de la jeune femme se perdaient dans ses cheveux. Néanmoins, un détail avait tilté dans son esprit, en dehors de son haleine plus que limite. Son état dépressif avancé pourrait avoir un impact sur son afflux sanguin. Il n'était pas dit qu'il arrive à avoir une érection complète, mais elle avait suffisamment de compétences pour pallier ce handicap, qui en réalité n'en était pas un. Un phallus ne rimait pas forcément avec plaisir. L'amour pouvait se conjuguer sous mille et une formes. Le manque d'air leur fit interrompre ce baiser fougueux. Miss Apone avait les yeux noisettes qui pétillaient d'envie, de désir. Elle avait envie de plonger dans la luxure avec cet homme. Le prisonnier remonta une main vers son visage et le caressa du pouce, avec une délicatesse qu'il tentait de garder. Sa main forte tremblait d'excitation. Elle avait les joues légèrement roses, comme une poupée russe. Elle posa doucement la main sur celle de l'homme et la fit descendre dans son cou, puis sa clavicule. Il arrêta le mouvement sur son sein. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle prenait le temps de l'éveiller, petit à petit. D'abord des baisers, des caresses simples, puis des plus larges, des mises en bouche, et après, le plat composé d'un concombre galant et d'un abricot juteux. Un repas arrosé d'une eau de vie qui macérait depuis 7 années. Pendant que leurs bouches se rencontraient et que leurs langues se lançaient dans un tango lascif, la main du prisonnier massait doucement mais fermement ce globe de chair. Son pouce tournait de temps à autre autour de cette petite pointe qui dardait. Il s'amusait à la pincer, d'abord doucement, puis plus fort. Son autre main était toujours sur son cul et le massait. Toujours avec autant de désir, il redécouvrait le doux contact d'un corps féminin, ses courbes et ses creux, si caractéristiques. Gémissant contre les lèvres et sa langue, la psychologue avait plaqué ses mains contre ses fesses à lui et le faisait onduler contre elle. Son érection n'était toujours pas éveillée, mais ça n'empêchait pas l'envie mutuelle de monter, encore et encore. Sous sa jupe, un brasier commençait à naître. Une étincelle avait mis le feu aux petites broussailles entre ses cuisses. Une véritable rivière de désir coulait dans sa vallée secrète, et ce vieux loup tout droit venu du bush ne faisait que jeter de l'essence sur les flammes au fur et à mesure qu'il lui massait sa poitrine, qu'il palpait ses fesses et frottait son pauvre membre qui peinait à se réveiller. Soudain, une alarme stridente viola ce moment pas des plus déontologiques. Comme un réflexe pavlovien, le prisonnier se dégagea de sa psy pour aller s'accroupir sur la cuvette. Ne sachant quoi faire, elle se jeta sous le lit, à plat ventre, et attendit que ça se passe. Elle dura 10 secondes, qui semblaient autant s'étendre qu'un fromage sur une pizza, puis elle s'arrêta enfin. Le gardien ouvrit la porte et lança sur un ton presque robotique « Exercice de simulation d'attaque terminé. Beau réflexe à vous. » Une fois tiré de sous le lit, ce même gardien lui dit que ça allait être l'heure de la sortie du prisonnier. Elle demanda à rester avec lui encore quelques minutes pour faire le point. Dès qu'elle fut seule avec lui, ils s'enlacèrent tendrement. « Tu as un très beau corps, » lui dit-il. « Merci, mon loup. Tu as beaucoup de charme, toi aussi. » « Bien, on se reverra la semaine prochaine pour aller plus en profondeur sur certains points. » « J'ai déjà hâte d'y être. » Elle lui offrit un tendre baiser sur ses lèvres en guise de revoir, juste avant qu'elle toque pour qu'on lui ouvre son carnet à la main. Il lui attrapa le poignet et lui demanda « Est-ce que je peux te demander quelque chose ? » « Dis-moi. » Histoire de m'aider à patienter jusqu'au prochain rendez-vous, est-ce que tu pourrais me montrer ton... Mon ? Ton petit abricot ? Elle fut touchée qu'il n'utilise pas de mots crus, du moins pas tout de suite. Lui souriant avec malice, elle releva sa jupe jusqu'à son ventre, baissa son collant noir et écarta son sous-vêtement. Ses grandes lèvres couvertes d'un petit rectangle de poils courts étaient humides à souhait. Elle les écarta légèrement pour lui montrer l'effet qu'il avait eu sur elle. Ses nymphroses ruisselaient et son bouton était gonflé de sang. Il fut ébahi par cette petite merveille. Un bout de sa langue mouilla ses lèvres charnues. Elle se rhabilla rapidement. Ils se prirent les mains pour un dernier au revoir. « Sois fort, » lui dit-elle tout bas. Tu es très courageux. Merci. Elle n'attendit pas d'être chez elle pour se soulager de son désir. Assise côté conducteur, elle avait écarté les cuisses et s'était massé le bouton en imaginant la main de son patient à la place de la sienne. Son orgasme avait explosé au bout de quelques minutes. La semaine suivante, la jeune psychologue d'origine française avait à nouveau rendez-vous, même jour mais plus tôt, pour une séance plus longue. Toute la semaine, elle n'avait cessé de penser à cet Australien qui semblait avoir encore un éclat de vie et d'humanité derrière son esprit presque détruit et son corps affaibli. Enfermé toute la journée et sortant à peine une heure dans un parc fermé comme un chien. Et encore, elle était sûre qu'un animal était mieux traité que lui. Être traité comme un animal pour perdre toute humanité. Voilà ce qu'il en coûtait, de se dresser devant l'oncle Sam. Ses pensées la rendaient furieuse, et il était bien déterminé à être un soutien envers cet homme. Jamais elle ne s'était autant attachée à un prisonnier. En réalité, c'était la première fois qu'elle éprouvait ce sentiment. Ce jour-là, elle était à nouveau habillée de façon stricte et professionnelle. Toujours cette même jupe crayon noir qui épousait ses fesses et ses hanches jusqu'à ses genoux, un top blanc décolleté rond, profond, mais pas trop, afin de garder cette fausse image sage et intègre, une veste blazer et ses escarpins vernis. Au lieu de son éternel queue de cheval, elle avait laissé ses cheveux lâcher et portait peu de maquillage, juste un bon coup de mascara sur ses cils et un baume à lèvres légèrement rosé parfum rose. Les mêmes étapes que la semaine précédente se succédèrent. Ses affaires laissées à l'accueil, attendre, prise des empreintes digitales, attendre, la même lesbienne qui la fouille, attendre, suivre le gardien jusqu'au quartier ultra sécurisé, essuyer d'un revers mental de la main les « t'es bonne », crier depuis les cellules et autres « réponse salope ». et enfin la cellule tant attendue. Son vieux loup était sagement assis sur le lit. Il semblait l'attendre avec impatience. Dès que la porte fut verrouillée, ils s'enlacèrent avec cette même tendresse et ce même respect qui les avait liés la fois précédente. « Comment tu vas ?» demanda la psychologue. « Ton bras te fait moins mal ?»« Ça va, je tiens. Tu es là donc, ça va encore mieux. » Il avait commencé à descendre lentement une main vers ses fesses. Elle claqua trois fois de la langue contre ses dents et dit « Pas si vite. D'abord la séance officielle, allez, allonge-toi. » La séance dura moins longtemps cette fois-là. Ils étaient revenus sur des points précis de son quotidien, entre ces quatre murs jaunes, parlant du regard méprisant des gardiens et son humanité bafouée depuis une décennie. Mais il ne lâchait rien. Cette injustice le rendait encore plus combatif. La jeune fille rousse était admirative de cette détermination. Séduite, plutôt. Dès qu'il n'eut plus rien à dire, elle se leva, ôta sa veste, qu'elle laissa tomber au sol, marcha en faisant claquer ses talons et se mit à cheval sur ses cuisses. « Prêt à repartir dans le Paris canaille ?» demanda-t-elle d'un ton taquin. « C'est toi la canaille. » Il s'était redressé pour être assis sur son lit, son dos appuyé contre son oreiller qu'elle avait pris soin de mettre pour le soulager. Une de ses mains était partie au niveau de son entrejambe et s'était mise à doucement le masser pour le réveiller. Il avait frissonné à ce contact. Elle ne lâchait pas cette zone des yeux. Elle était très concentrée et très sûre d'elle. Elle baissa doucement l'élastique du pantalon et du boxer jusqu'à ses genoux pour sortir son sexe. Il était comme endormi depuis trop longtemps, mais notre psychologue peu commune était déterminée à lui insuffler la vie. Elle commença à bouger sa main de haut en bas, le couvrant puis le décalotant. Au repos, il était d'une taille basique, un peu veinée et surmontée d'un gland rose foncé, très doux sous la langue. Elle s'amusait à lui donner de petits coups dessus, puis à en faire le tour. Il poussa un long soupir de bien-être, totalement dépendant de cette langue taquine et joueuse. Elle s'amusait à le lécher sur toute la longueur. Sa main accompagnait sa bouche. L'autre se perdait dans sa toison. Elle s'attarda au niveau de ses prunes recouvertes d'une touffe de poils blancs, les gobant l'une après l'autre, comme un bonbon. Elle s'amusait à les aspirer, puis tirer dessus. Elle se décollait de ses lèvres dans un son semblable à celui d'une ventouse. Sa langue allait parfois s'aventurer au niveau de la zone, juste avant son petit trou. « Si tu veux quelque chose en particulier, tu me le dis, hein ?»« Pour le moment, continue comme tu fais. »« Oh, fuck, it's so good. » Elle resta sur cette zone encore un moment. Les soupirs de l'Australien l'encourageaient à le stimuler au niveau de son périnée. Puis elle remonta son visage pour gober ce gland humide, le faisant aller et venir dans sa bouche, chaude et douce. Elle appuyait ses lèvres contre cette hampe qui tardait à se réveiller. De sa main libre, elle lui massait sa zone, où elle s'était perdue il y a quelques secondes. Chacun y mettait du sien, pour avoir ne serait-ce qu'un petit soubresaut. Le prisonnier se concentrait sur cette vision qui relevait tout bonnement du fantasme. Il hésitait à se pincer pour savoir s'il n'était pas endormi, s'il n'était pas en train de rêver cette scène surréaliste. C'est alors qu'il eut un petit mouvement dans son pieu de chair. Elle eut un petit son étouffé de surprise et l'ôta de sa bouche pour le reprendre en main. « T'as vu ? On dirait qu'il se réveille. » dit-elle avec surprise. « Oh oui, viens sur moi, s'il te plaît. » Elle s'était rapprochée pour se retrouver la poitrine compressée contre son torse amaigri. Ses bras entouraient son cou et ses doigts caressaient ses cheveux couleur neige. Ses yeux noisettes se noyaient dans le bleu des siens. leurs visages furent instantanément aimantés par un désir qui s'était mis à posséder chaque mur de la petite cellule. Un long baiser langoureux donna le la. Sa barbe lui irritait un peu le contour des lèvres, mais cela apportait du piquant à leur échange. Il posa ses mains sur ses fesses, à travers sa jupe, et la fit onduler du bassin à son tour. Elle en profita pour relever son vêtement et offrir à la vue de son patient la couture de ses bas. Il ne put retenir un « waouh ». Il la trouvait vraiment sexy, et par-dessus tout, il la sentait vraie, humaine et chaleureuse. Malgré ses méthodes peu orthodoxes, elle n'en était pas moins sérieuse lors des séances officielles bien cadrées. « Tu aimes mes bas ? Je les ai mis rien que pour tes yeux. Ils sont superbes. Tu es vraiment très belle. Toi aussi. Tu me plais de plus en plus. » Un nouveau baiser les unit, plus fougueux, plus torride. La jupe totalement relevée dénudait ses fesses. Il en profita pour y plaquer à nouveau ses mains et les masser avec envie. Elle n'était pas trop fan des strings, mais elle avait fait une exception ce jour-là. Une longue tache humide s'était dessinée entre ses cuisses. Ses lèvres commençaient à réclamer le prisonnier. Certes, son membre peinait à se dresser, mais il était si habile de ses mains et de sa bouche. « J'ai envie de te goûter, je peux ?»« Tout de suite. » Ils inversèrent la position. Lui s'était accroupi au bout du lit pour laisser la place à sa psy de s'allonger de tout son long. Elle avait ôté ses escarpins et les avait laissés tomber machinalement sur le sol. Sa jupe était totalement relevée et dévoilait ses jambes, fines et athlétiques, sublimées par la dentelle de ses bas. « Vas-y, je suis tout à toi. » Il se mit à lui déposer ses mêmes baisers sous son oreille, puis remontait vers le lobe pour le mordiller avec fièvre. Sa rangée de dents supérieures agrippait sa lèvre inférieure en sentant la friction de sa barbe contre sa peau si sensible. Une de ses grandes mains s'était mise à lui masser un sein comme la dernière fois. L'autre le maintenait au-dessus d'elle, sans l'écraser. La miss tira le col de son haut et dévoila sa noble poitrine. À la grande surprise de l'homme plus âgé, elle était totalement libre. Lui, qui pensait qu'elle avait juste une lingerie très moulante, il harponna un téton entre ses lèvres, il la suçait avec délectation, alternante avec l'autre. Quand il en tétait un, il jouait de son pouce et de son index avec l'autre. Il se baffrait de cette peau douce, il jouissait de l'instant présent accroché à sa poitrine, il voulait croquer cette peau si douce. La main de la Française crochetait dans les cheveux de l'homme pour lui dire de rester à cet endroit. Ses tétons pointaient sous sa langue et ses mains. Finalement, ses longues heures passées à pianoter sur un ordinateur à rentrer des lignes de code ou de cryptage depuis plus de 20 ans l'avaient rendu si habile de ses doigts. « Ta bouche est vraiment sexy, tu veux goûter un autre endroit ?»« Je peux. » En guise de réponse, elle écarta une cuisse, comme pour lui ouvrir le chemin vers sa vallée où le ruisseau coulait avec une grande intensité. Son string glissa le long de ses jambes et fut projeté derrière l'Australien. Il mit son visage devant cette petite merveille humide. Il prit quelques secondes pour humer cette odeur qu'il avait oubliée. Ce parfum musqué acheva de lui dilater les pupilles et assombrit son regard. Comme si cet effluve avait stimulé son cerveau reptilien, il passa un long coup de langue du bas de la fente jusqu'à son clitoris gonflé. Il se délectait de son jus, au goût un peu fort et légèrement capiteux. Il suçait ses petites lèvres si tendres, puis mordillait ses plus grandes. De son long nez, il fit un baiser papillon sur son petit bouton. Puis il se mit à le lécher, tout doucement, dans un premier temps. Il alternait les sucions avec les caresses de son pouce. Il faisait des mouvements circulaires de plus en plus serrés sur ce bout de peau. Sa langue revint dessus et le gâta de plus en plus rapidement. De son côté, la jeune fille prenait sur elle, pour ne pas gémir trop fort, pas sûr que le gardien soit très partant pour un plan à trois en échange de son silence. Sa respiration était saccadée, tant son plaisir lui coupait le souffle. 7 ans, 7 ans que cette langue, ces lèvres et cette bouche n'avaient pas gâté une femme comme il était en train de le faire. Sa langue était rapide et forte, ses lèvres étaient agiles et douces. Sa barbe drue apportait un petit plus à ce cunnilingus bien exécuté. Il se masturbait en même temps pour espérer retrouver une érection tenace et pour pouvoir enfin lui faire honneur comme il se doit. De son autre main, il lui caressait le ventre, lui pinçait un téton ou revenait explorer autour de son clitoris turgescent. Je vais venir, bouffe-moi !» Elle se sentait proche de la jouissance. Elle espérait qu'un énième son d'alarme ne vienne pas tout gâcher. Le plaisir qui montait la faisait se tordre sur le lit, adoptant des positions à la fois lascives et contorsionnées. Son intimité se contractait de plus en plus. Les coups de langue s'acharnaient à la faire décoller. Enfin, complètement à bout de souffle, elle lança un « Oui, je viens, oui !» Elle retint ses cris au fond de sa gorge pour ne pas être trahie. Elle se tordait dans tous les sens, pendant que son entrejambe contractée laissait sortir un flot de cyprine dont l'Australien se baffra. Il respirait fortement, comme un animal sauvage. Il lapait et aspirait avec fièvre la moindre goutte de ce liquide fort et délicat. Cette dégustation qu'elle lui avait offerte semblait sans fin. La jeune psy respirait profondément. Son visage était rouge, sa bouche et sa gorge étaient sèches et sa tête lui tournait un peu. Elle leva les yeux vers son patient. Les lèvres de ce dernier étaient désormais roses foncées et barbouillées de cyprine. Le liquide s'était mêlé aux poils blancs de sa barbe. Elle le trouva encore plus charmant et touchant. « Tu es vraiment incroyable, » dit-elle, remise de ses émotions. « C'est toi qui es incroyable. Derrière tes airs de psychologue inébranlable, bien à cheval sur la déontologie, tu sembles à cheval sur d'autres choses. » Ils gloussèrent de bon cœur. Bien qu'il n'ait pas réussi à avoir une érection complète, il avait réussi à donner du plaisir à cette personne qui semblait lui apporter un peu plus de vie et de chaleur dans son quotidien, dont les jours se ressemblaient tous. Et cette dernière le lui rendait bien. Ils enchaînèrent ainsi les rendez-vous hebdomadaires. Aux yeux des gardiens, le cas de ce prisonnier devait être encore plus grave que ce qu'ils pensaient. Les entretiens duraient plus de 2 heures et nul ne savait ce qui s'y passait. La jeune psy avait toujours sur elle des échelles de mesure diagnostiques, c'était aussi pour la forme. Certes, elle les faisait passer en plusieurs fois pour éviter la variable parasite de la fatigue, mais aussi pour avoir pleinement le temps de s'occuper de lui en dehors de la déontologie. Elle mêlait ainsi l'utile à l'agréable. Ce n'est qu'au bout d'une demi-douzaine d'entretiens qu'il parvint à avoir le grand soldat au garde-à-vous. La réaction de la psy avait été parlante. Elle lui avait offert une de ces fellations dont elle seule avait le secret. Et quelle ne fut pas leur surprise à eux deux de voir son membre pris de soubresauts, puis d'être en semi-érection, puis être fièrement dressé devant elle. Il était long, épais, veiné juste comme ce qui lui plaisait, son gland rose foncé humide pointant vers le plafond. À vue d'œil, il devait dépasser le double centimètre de long. « Il est vivant !» avait-elle dit avec un immense sourire. « Regarde ça !»« Oh oui, je vois. Je te dois ce souffle de vie que tu as amené. Laisse-moi te l'offrir. » Sans se faire prier, elle se mit sur le lavabo, les jambes entourant la taille du prisonnier, et la pénétra d'un coup, sans préservatif. Elle ouvrit grand la bouche et bascula la tête en arrière. Elle sentait ses chairs délicates s'écarter d'un coup. « Putain, ce que c'est bon !» dit-elle extatique. Il la tenait sous ses cuisses et lui martelait son entrejambe de coups de rein sans retenue. Lui aussi semblait au bord de l'extase. Elle sentait dans cet échange les 7 années de frustration sexuelle qui étaient sur le point d'exploser. Il grognait et haletait comme une bête. La jeune psy plantait ses ongles dans son dos et le griffait sous l'impact du plaisir qui montait, telle une montagne russe. Grimper jusqu'au sommet pour, après, tout relâcher, dans des cris. Leurs cœurs battaient à l'unisson. Ces rendez-vous hebdomadaires les avaient rapprochés. Et pas que physiquement. Elle aurait été une psychologue rigide sur le code de déontologie, elle aurait demandé à changer de client pour ne pas perdre son objectivité. Mais telle Harley Quinn, elle était folle de son patient et était prête à tout pour qu'il se sente heureux, vivant et surtout humain. De son côté, le prisonnier était tout aussi fou de ce petit bout de femme. Ses temps de sommeil étaient ponctués par ses apparitions dans ses songes, ce qu'il changeait bien des visions du grand jury américain, du couloir de la mort, de combinaisons orange et autres joyeusetés qui l'attendaient en cas d'extradition. Cette femme lui apportait bien plus qu'une oreille attentive, cette même femme à qui il faisait sauvagement l'amour sur son lavabo. Totalement au bord de l'orgasme, son abricot juteux se resserra. Elle lança « Je vais jouir, lâche-toi, crache !» Elle souffla son prénom, totalement chaviré, et perdant pied. Enfin, ils jouirent à l'unisson. Ils gardaient leurs cris au fond de leur gorge, mais l'extase était néanmoins présente. Elle possédait les deux corps et les agitait de spasmes incontrôlés. Dans un râle contenu, il lâcha en elle ses 7 années de solitude amoureuse et sexuelle. Il ne s'était jamais senti aussi bien et heureux depuis tout ce temps. Un vrai paradoxe de se sentir aussi vivant dans la petite mort. De son côté, Madame Appone tremblait sous la puissance de son orgasme et lui empoignait les cheveux. Son plaisir lui avait compressé la gorge et elle avait senti les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas de la tristesse, mais un bonheur qui dépassait toute raison. Quelques secondes plus tard, ils furent totalement repus. « For fuck's sake !» dit-il une fois remis de cet orgasme. Sans la lâcher, il l'aida tout doucement à revenir sur ses pieds. Il remit derrière son oreille une mèche à cajou et lui offrit un tendre baiser sur le front, puis sur ses lèvres asséchées. La psy répondit par un baiser tout aussi doux. « Je ne t'abandonnerai pas, promis, » lui dit-elle droit dans les yeux, encore sous le bonheur de la jouissance. Voilà un bon moment qu'elle avait pris le code de la déontologie et qu'elle s'était essuyé le sif avec, depuis qu'elle avait pris en charge son vieux loup australien. Finalement, qui avait besoin d'un bon suivi psychiatrique? Alors évidemment, je vais traiter votre fichier, je vais ajouter de la musique, et puis je m'étais dit, de toute façon, je vous envoie ça maintenant, avant de faire les petites modifications et d'ajouter ce qu'il faut. Je voulais vous dire que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous lire, que malheureusement et heureusement, avec le programme que j'emploie et la manière avec laquelle j'enregistre, j'ai coupé un tas de choses, parce que parfois je bafouille, parfois je bredouille, et il y a des choses vraiment marrantes que vous n'entendrez jamais. Enfin, comme ça, vous avez vraiment ma voix telle qu'elle est au naturel, quand je ne lis pas, quand je parle. Et voilà, je vous remercie de m'avoir proposé de lire cette histoire parce qu'elle est vraiment très chouette. Maintenant, si vous voulez la publier ou l'envoyer quelque part, il y a encore des choses à changer parce qu'en la lisant tout haut, évidemment, on se rend compte, mais je pense que vous entendrez aussi. Moi, j'ai fait des petites modifications au niveau de mots qui manquent ou... Enfin, et puis il y a toujours des répétitions, mais ça c'est presque inévitable, c'est pas facile d'écrire sans répétition. Voilà, à bientôt.